Chapitre 48. La mise en garde contre le mal à l'encontre des pieux, des faibles et des pauvres. Allah Ta'ala dit: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Sourate 33, verset 58. Quant à l'orphelin, donc, ne le maltraite pas. Quant au demandeur, ne le repousse pas. Sourate 93, versets 9 et 10. Quant aux traditions prophétiques sur le sujet, elles sont nombreuses, comme le hadith rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu, et cité également au chapitre précédent, « Je déclare la guerre à celui qui se fait l'ennemi de l'un de mes pieux serviteurs. » Ou celui rapporté par Sa'd ibn Abi Waqqas, numéro 260, dans le chapitre sur la bienveillance envers les orphelins. Ou encore les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, « Ô Abu Bakr, si tu les as mis en colère, tu as également mis en colère ton Seigneur. » 389. Selon Jundub ibn Abdillah, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: quiconque accomplit la salat de l'aube, Fajr, à son heure prescrite, se trouvera sous la protection d'Allah. Faites en sorte qu'Allah ne vous demande pas de compte sur sa protection, car celui à qui il demandera des comptes ne pourra s'y soustraire. Puis il le précipitera sur son visage en enfer. Muslim.